nos yeux brouille l'image. Terre mouillée, maison du vent, pays d'acier, carrefour géant. Un passé de guerre, de pleurs, de misère, pays d'idées, temps convoité. Passage obligé, naissance du jour, pays de clarté, pays de toujours. Où qu'on aille, quoi qu'on fasse, on garde la limaille sous nos godasses. Quitter pour l'ouest, le sud ou Cocagne, on est de l'est. Les oiseaux, le soleil radieux offre ses cadeaux. Terre chauffée, bien fait de l'eau, pays boisé, au cœur chaud. Mélange de couleurs, de langues, d'accents, mélange de chaleur, du cœur et du sang. Passage obligé, naissance du jour, pays de clarté, pays de toujours. Où qu'on aille, quoi qu'on fasse, on garde la limaille sous nos godasses. Quitter pour l'ouest, le sud ou Cocagne, on est de l'est. Quitter ce pays, c'est le garder au chaud, tout au fond de son être. Quitter ce pays, c'est faire la trace par la limaille sous nos godasses. Par la limaille sous nos godasses. Où qu'on aille, quoi qu'on fasse, on garde la limaille sous nos godasses. Le sud ou Cocagne, on est de l'air.